Vous écoutez France Culture. La cavale de Lina, de Marc Villard. Une réalisation de Michel Sidorov. Avec Hélène Lausseur, François Siemer, Jean-Claude Durand, Charlie Nelson, Roland Timsit, Bernard Gabet, Evelyne Guimara. À droite de la scène, le comédien interprétant Stanley Kubrick se tient penché sur l'écran du moniteur relié à la caméra de Davis. Il gratte sa barbe de la main gauche. Derrière lui, un jeune homme blond et boutonneux piétine, brûlant de parler. Face à eux, un couple. La femme est brune, vêtue d'une robe noire, et l'homme d'un costume militaire d'apparat. On leur donne la cinquantaine. La pièce de John Foster touche à sa fin, et la sueur zigzague sur les épidermes. La clim sous perfusion garantit un petit 30 degrés. C'est trop. Enfin, la salle plonge dans le noir et le rideau tombe. Les 62 spectateurs installés devant la première mort de Stanley Kubrick au Théâtre Ovale se lèvent, applaudissent et rappellent par trois fois les comédiens. Ceux-ci, libérés, chahutent sur scène. Il s'agit de la dernière représentation du Off d'Avignon. Dans les théâtres alentours, c'est aussi la fin d'un cycle. La satisfaction d'en finir est présente dans les têtes, mais la nostalgie des rues surchauffées de la ville y tient déjà sa place. La salle se vide peu à peu, et les comédiens, flanqués du staff de la compagnie, improvisent un pot sur scène, alignant des bouteilles de rosé et des bols d'olive sur une table à tréteaux. Ils sont tous originaires de Pordic, en Bretagne, et leur compagnie théâtrale a dû batailler ferme pour organiser ses 20 représentations au festival. Le Théâtre Ovale est situé tout au bout de la rue des Teinturiers, qui, ce 30 juillet, fermente sous le cagnard. À 22h, ils mettent un terme aux festivités. La plupart gagnent un appartement de location, le pas incertain, pour préparer leur sac, car ils rentrent dès le lendemain par le TGV avec changement à Paris, puis direction Rennes et Pordic. Fanny est chargée du dernier ménage de la salle avant restitution des lieux. C'est une petite brune de 25 ans, aux yeux effarés et aux joues creuses. Elle saisit un aspirateur pendant que ses amis franchissent la porte du théâtre en rôtant. Parvenue à la cinquième travée, elle éteint le tornado étincelant et décide de se boire une bière, une 16 en boîte. Puis elle reprend l'ascension de la rampe pour en terminer avec les derniers rangs. C'est en parvenant aux ultimes fauteuils qu'elle note une sandale de cuir à terre. Elle s'approche, clignant des yeux, et découvre la jambe tordue et la flaque de sang. Fanny agrippe le fauteuil le plus proche et décide de hurler. C'est un réflexe libératoire, d'après les docteurs. Sous sa véranda à Fondane, Baru frisote sa moustache avec volupté, notant que l'alto du musicien s'accorde bien au bruit de la nuit. Peu à peu, un vent léger se lève, véhiculant un ersatz de fraîcheur sur le t-shirt du journaliste qui beugle « OM droit au bar ». C'est une blague du club des supporters. Antoine Baru, 59 ans, en fait partie depuis 10 ans. Cette adhésion coïncide avec la mort en salle opératoire de Nathalie, son épouse. Il tire sur son cigare et pense à Art Pepper, endormi à jamais sous une terre hostile. Sur sa table en ferraille rouillée, son portable bourdonne, coincé entre un sandwich au thon et deux crottins de chavignol. Baru. Lorca. On a un cadavre au Théâtre Ovale. Tu vois où c'est ? Rue des Teinturiers. Quel genre ? Une fille sans papier, égorgée au dernier rang. Pas de témoin comme d'hab. J'ai personne au journal. Tu fais chier, Lorca. Je suis avec Pepper. Un copain ? Si on veut. Laisse-moi trois quarts d'heure. À demain. Antoine Baru décide de terminer Ricard et Cigare. Il ferme les yeux, avachi sur son siège, et songe à sa fille, Cécile, qui, au même moment, se réveille à Brisbane pour gagner à vélo son studio de pub situé à Fortitude Valley. Avant de rejoindre Avignon, à 11 km, il écrase quelques moustiques, enfile une chemise en jean et ferme la lumière. Son scooter est garé sous un appentis à l'arrière du mât. Comme il est passablement bourré, il oublie d'enfiler son casque. Il est minuit, rue des Teinturiers. Baru doit repousser des groupes fortement imbibés pour avancer. Des intellectuels allemands discutent de Yann Fabre. Une dizaine de filles distribuent d'ultimes flyers. Deux flics en uniforme gardent l'entrée du théâtre ovale. Le cadavre, allongé sur une civière à roulettes, est engoncé dans un sac en plastique noir, mais la fermeture à glissière n'est pas tirée jusqu'en haut et quelques cheveux blonds gisent au bord du lit métallique. Baru soupire en notant la présence de Minelli, 25 ans de boutique comme lui. Baru est content car il n'aime pas les jeunes. Le lieutenant de police l'aperçoit et lui fait signe d'approcher. Ils ont été emmerdés à cette heure-là. Lorca n'avait personne d'autre. C'est un chef, il doit rester sur le navire. Ben voyons. Tu veux la voir ? Oui, finissons-en. Les deux hommes gagnent la civière et Minelli, 55 ans et une propension au cholestérol, tire le plastique à lui. Une prégnance camphrée flotte à mi-hauteur. La fille est blonde. On lui donne entre 20 et 30 ans. L'homme qui l'a égorgé est soigneux, pas de dérapage. Une plaie bien nette et sans bavure. Elle ressemble à Cécile. Tu crois ? Remarque, maintenant que tu me le dis... En tout cas, c'est pas pour son fric, hein. Rien n'a bougé dans son porte-monnaie. Et l'identité ? Pas de papier, rien. Elle est fringuée, voyant, un peu pute. Mais les professionnels ne vont pas voir une pièce qui s'intitule « La première mort de Stanley Kubrick ». C'est qui ce mec ? Le gars de Full Metal Jacket. Ah oui, le Vietnam. Bon, on a fait quelques photos, je t'en mets une de côté ? Tu peux aider pour l'identification ? J'essaierai de la passer en couverture. J'ai déjà vu cette tête, mais je suis un peu dans le cirage. Ça me reviendra. T'es un bon. J'ai encore perdu 30 euros avec l'OM contre Lyon. Mais je les voyais se faire massacrer. Tu manques de foi. Je vais parler à quelqu'un du théâtre. Et à demain, Daniel. À demain. Baru traverse et entre dans un bar plein à craquer. Certains comédiens commencent à peine à dîner. Les convives sont jeunes, à l'exception de deux hommes aux cheveux argentés, vêtus de costumes en toile écrue. Le journaliste apostrophe un groupe de jeunes barbus. Vous jouiez au théâtre Oval ? Non, mais Fanny, la petite brune à gauche, elle travaille à la régie. Baru remercie d'un coup de menton et s'assoit devant Fanny, flanquée de trois hommes, dont un est manifestement policier. Le lendemain matin, il se lève à 7 heures et se dépêche de traverser son jardin. L'herbe roussit sous le soleil depuis un mois et il décide d'inonder son terrain en ouvrant les martelières qui permettent de libérer l'eau du canal situé en amont. Puis il allume sous le café et en écoutant la radio, se rase en plein air. 30 minutes plus tard, il pénètre dans les locaux de Paca News et imprime la photo expédiée par Minelli aux Aurores. Puis il descend dans les entrailles du journal. Popeye, le responsable des archives, est déjà sur place car ses horaires sont aménagés. Il sort à 14h. Il est penché sur deux ordinateurs de grand format et boit un café sans regarder sa tasse. Chauve et myope. Regarde cette frêle jeune fille, mon enfant. Elle t'inspire ? C'est pas très ancien. Un fait divers, peut-être. Elle est morte ? Juste. Comment on fait ? Laisse-moi une heure. J'organise un pot pour mon anniversaire, demain soir. Tu viens ? Entendu. Ça te fait combien ? 48. Je remonte, j'ai du boulot. Une heure plus tard, attablé derrière un bureau métallique, Baru contemple le visage tourmenté de Lina Marchetti. La brève publiée par Paca News date de 3 semaines. Lina et Bérangère Toudic ont fait le mur de l'hôpital psychiatrique arlésien Mangin-Vélère. On ne les a jamais revus. Sur la photo du journal, la jeune femme paraît bien plus jeune qu'au naturel. Elle regarde l'objectif, visage pur et délié. 3 semaines entre l'HP et la morgue. C'est peu. Sur le cliché concernant l'évasion, Lina évoque Cécile de façon encore plus criante. Brusquement parano, Baru ferme la porte en verre de son bureau et compose le numéro australien de sa fille, qu'il surprend au moment où elle quitte son job à l'agence. Il s'excuse en bafouillant et raccroche. Quand Lorca arrive au journal sur le coup de 10h, Baru pousse la porte du rédacteur en chef. Celui-ci porte un costume clair sur une chemisette à carreaux. 40 ans, bel homme. Alors, ce meurtre ? Une femme d'une trentaine d'années égorgée. On avait publié une brève sur son évasion d'un hôpital psychiatrique. Tu nous fais 500 signes pour la 3. J'ai envie de creuser l'affaire. Cette fille et son parcours m'intriguent. On n'a pas le temps, Antoine. Il faut te coller aux élections du Conseil, la discussion du budget et en plus la manif des intermittents cégétistes. Mais c'est de l'info, ça. Je te parle d'un reportage. On pourrait le coller dans les pages du week-end. Non. Les lecteurs veulent se marrer le dimanche. Pas de meurtre, pas de cinglé évadé. J'ai un coup de fil urgent. À plus tard, en conférence. Baru se détourne, pas vraiment surpris, et monte à l'étage. Dans le bureau 23, il sait qu'il trouvera Fiona Monteil. Il entre sans frapper dans la pièce occupée par l'assistante du DRH. Celle-ci est manifestement d'origine italienne et porte des boucles d'oreilles virevoltantes. Elle affiche une cinquantaine épanouie. En découvrant Baru, elle se lève en souriant et ferme la porte. Puis, colle ses lèvres à celles du journaliste. Petite salope. Vieux con. Quand Baru quitte le journal à 17h, il a réuni une modeste documentation sur Lina Marchetti. Quinze minutes plus tard, il gare son scooter à l'arrière de sa maison de Fondane, puis s'installe sous un pin parasol et commence à parcourir la doc transmise par Popeye. La famille Marchetti, originaire d'Aix-en-Provence, est dominée par le père, imprimeur dans la région. Le couple, dont la femme est décédée voici 10 ans, a élevé 2 enfants. La jeune fille, marginale, quitte la maison à l'âge de 18 ans et zone à Marseille. On retrouve sa trace dans une association caritative d'aide à la Somalie. Elle se marie à Arles et divorce 1 an plus tard. Puis elle est internée en hôpital psychiatrique dans cette même ville. Elle s'en évade. Fin de course au Théâtre Ovale à Avignon. c'est l'eau ruisselant sur l'herbe brûlée qui réveille Baru, ou plutôt ses pieds qui fraîchissent. Il se redresse et grimpe près du canal pour boucler les martelières. En redescendant, il plisse les yeux, presque sûr de voir la chlorophylle teinter le sol de son jardin. Il aime être efficace. Enfin, il gagne sa cuisine et se verse un ballon de terre blanche. Puis sort de sa poche sa feuille de congé, signée par le DRH, que Fiona a glissée dans un parapheur. Lorca va s'agacer, mais ce sera trop tard. 7 jours s'offrent donc à lui pour faire connaissance avec Lina Marchetti et comprendre comment on peut mourir égorgé dans un théâtre avignonnais. Le lendemain matin, il achète son billet pour Marseille au guichet de la gare centrale d'Avignon où transitent les TER desservant les Bouches-du-Rhône. Un coup d'œil rapide à PACA News lui apprend que le meurtre de Lina est ramassé en 10 lignes, page 3. Sa tête se penche sur la vitre et Baru laisse son regard se consumer au contact de la roche et des oliviers argentés bordant les voies. Les bureaux de l'association Un arbre, une vie sont installés dans l'un des goulets du quartier du Panier à Marseille. Ils traversent le vieux port sur une navette remplie de touristes italiens énervés. Les bureaux de l'association sont à 2 pas. Marie-Ange Beltrami, qui l'a contactée par téléphone dans le train, l'attend sur le pas de la porte. Dans ces rues torves, le soleil se tient à l'écart et la fraîcheur est bienvenue. On crève aujourd'hui. 35 degrés, c'est la saison. J'ai pas retrouvé de doc sur Lina, mais je me souviens d'elle. Pauvre gosse. Oui, c'était pas beau à voir. Quel était son travail chez Un arbre, une vie ? Marie-Ange ne répond pas de suite, mais verse un café au journaliste en lui indiquant une chaise d'un coup de menton. Le père est un imprimeur d'Aix. Il a fait fortune à la force du poignet, mais il a oublié d'où il vient. Une sorte de parvenu bourré de fric, en somme. Lina, c'était le vilain canard, car le fils Tony a fait une école de commerce à Paris. Il sait rien faire, mais il a terminé ses études. Lina a commencé à ruer dans les brancards à 16 ans. C'est elle qui le dit. Un peu de drogue, groupie derrière des rockers du Sud, vous voyez le genre. Et pour finir, elle quitte la fac en fin de seconde année. Là, le père est monté au créneau et l'a foutu à la porte. Et elle est venue travailler avec vous ? Pas du tout. Elle était sans fric et s'est retrouvée à zoner dans les quartiers nord. Elle a d'abord fait guetteur et elle s'est mise à dealer vraiment à 20 ans. Mais il s'est passé quelque chose. Parce qu'elle a quitté les quartiers en vitesse, et je l'ai récupérée sur le vieux port. Elle était en train de prendre à partie 2 patrons de pizzeria qui engueulaient leurs employés africains. Je me suis dit, cette fille n'a pas peur, et elle est du côté des blacks. C'était bon pour la sauce. Je lui ai proposé de me rejoindre et de tenir la permanence. Elle était comment, l'association ? Bien. Calme, mais fragile mentalement. C'est la faute du père qui l'a toujours déconsidérée. Ici, elle était bien encadrée, dans une bonne ambiance. Je lui louais une chambre au premier étage. Tout va bien jusqu'au jour où elle fait la connaissance de Fabien. Le mari ? Oui, l'abruti du village. Faut la comprendre. Elle n'avait pas eu le temps de s'intéresser à l'amour, entre une famille antipathique et les dealers qui se la repassaient. Quand Fabien est arrivé et lui a dit qu'elle était formidable et qu'il avait attendu ça toute sa vie de plouc, elle l'a cru. Il l'a embarqué dans un bled du côté d'Arles, attendait Boulbon. Voilà, c'est le nom de l'endroit où il travaillait comme garagiste. Un spécialiste de la voiture maquillée. Et direction l'Italie ? Non, la Russie. Ah. Les 4x4 volés, paraît que ça part comme des petits pains là-bas. Vous connaissez l'adresse du mari ? Bon, j'ai ça quelque part, je vais la retrouver. Ils ont divorcé au bout d'1 an. Elle en avait tellement marre qu'elle a avorté en douce. C'est moi qui lui ai dégoté un toubib. Qu'est-ce qui collait pas avec le mari ? Tout. Il voulait une boniche à domicile, mais Lina, c'était pas le genre à faire les poussières. Trois cafés plus tard, Baru prend congé de Marie-Ange et se laisse glisser en direction du vieux port. Le soleil tape à plein régime. Les touristes sucent des glaces à l'eau et quelques bellâtres du cru bronzent sur le pont d'une embarcation en bois. Le journaliste avise un banc, enlève sa chemise, décapsule sa Stella et mord dans son sandwich mixte. Que fuyait Lina en quittant les quartiers nord. Il Il passe sa journée à sillonner la Canebière, les placettes en fusion, et se décide à joindre Minelli sur le coup de 17h. Le flic avignonnais ne possède qu'un seul contact à Marseille. Celui-ci se nomme Mistral et survit dans le commissariat du 2e arrondissement. Baru entreprend de gagner les lieux à pied et se plante à la réception de l'antenne de police en réclamant le lieutenant. L'homme arrive au bout d'une quinzaine de minutes. Il va sur ses 40 ans et a déjà perdu tous ses cheveux. Son accent évoque le pastis et sa dégaine le classe dans les flics sédentaires. Vous êtes le journaliste ? Minelli vient de m'appeler. On passe dans mon bureau. Une fois installé dans un bureau partagé par deux flics et tassé au fond d'une chaise tubulaire, Baru évoque son travail sur Lina Marchetti. Je me dis que son départ des quartiers nord peut expliquer qu'elle ait trahi quelqu'un. Et que sa mort soit une vengeance, un truc dans le genre. C'est possible. En vous attendant, j'ai regardé s'il figurait dans un rapport de police. Et j'ai repéré sa trace au sujet d'une tournante qui a dégénéré. Rien sur la cam, proprement dite. Tenez, j'ai fait une sortie. Disant cela, Mistral tend à Baru une feuille simple datée du 3 septembre 2007. Le journaliste chausse ses lunettes de près et commence à lire. Le sergent Bernard et moi-même sommes dirigés par le central dans la cité des Trois Marches. Une personne de 40 ans, Madame Estrella, nous ouvre sa porte au troisième étage du B4. Elle nous montre une jeune fille égarée et sous le choc. Celle-ci affirme se nommer Nadia Guéville et dit qu'elle et son amie Lina Marchetti ont été prises à partie par un groupe de dealers de la cité et obligées de se soumettre aux fantaisies sexuelles des trafiquants. Ceux-ci, âgés de 18 à 20 ans, les ont violées, sodomisées et les ont obligées à de nombreuses fellations. La jeune fille semble avoir perdu en partie la raison. Son amie Lina Marchetti s'est sauvée et n'a pas été revue dans le quartier depuis les faits. Nous demandons à Mademoiselle Guéville les noms des violeurs, mais elle affirme ne pas les connaître. Le SAMU parvient sur les lieux 20 minutes plus tard et part avec Mademoiselle Guéville afin de lui apporter les premiers soins et de pratiquer des examens plus approfondis. Lieutenant Faber, Bac Nord. Vous connaissez la suite ? Il n'y a pas de suite. Il s'agit d'une tournante et d'habitude, les filles rentrent chez elles sans mouveter. Elles ont peur. Et les types qui les violent sont souvent des copains ou des gars du quartier. Elles savent que si elles portent plainte, c'est leur famille qui en prendra plein la gueule. Dans ce cas précis, c'est une voisine de la jeune fille qui nous a prévenus, mais c'est exceptionnel. Lina Marchetti a été rencontrée quelque temps plus tard sur le Vieux-Port par la dirigeante d'une association pour la Somalie. C'est logique. Si elle dealait pour ces gars-là, elle savait qu'il fallait partir ou la boucler sur place. Elle a choisi de filer et c'était sage. Oui, mais ça n'explique pas sa mort. Non. Il faut chercher ailleurs. Pour remercier le flic, Baru lui propose une friture sur le Vieux-Port. Le policier accepte et les deux hommes partent à pied en direction du bassin cerné par les restos. Deux heures plus tard, le journaliste pénètre dans un petit hôtel du panier, le Loustal. En hésitant, il allume sa première cigarette depuis 5 ans. Une gitane que d'une pichenette, il fait jaillir du paquet. Puis il s'allonge sur le lit double et pense à Lina Marchetti. À son corps meurtri, à ses yeux morts. À 23h, il saisit son portable et laisse un message à Fiona. Allô, Fiona, c'est moi. Je pars demain pour Boulbon. En attendant, je cuis à Marseille. Je rêve à ton petit cul. Allez, à plus. À 9h le lendemain matin, il fait déjà 27 degrés. Assis derrière une table devant sa fenêtre à l'hôtel, Baru saisit son portable et consulte ses messages. Lorca joue les pleureuses, mais c'était couru. Fiona pense à lui. Sa fille Cécile lui dit de ne pas s'inquiéter pour elle, car les Australiens ne mangent pas les Françaises. Elles ont la peau trop dure. Le dernier message est celui de Minelli. Tu vas pas me croire. Le labo a repéré une empreinte partielle qui n'appartient pas à Lina. Elle est sur le collier en cuir de la fille. Je vois ça comme ça. Le gars se faufile dans le noir et se place à gauche de Lina. Puis, il plaque sa main gauche sur la bouche et de la droite tient son cutter. Avant de l'égorger, il soulève du doigt le colis qu'il gêne. Tout ça évoque un crime de pro. Si le gars est fiché, on le tient. Dis-moi si, de ton côté, tu apprends des choses à Marseille et à Arles. Encore une semaine avant la reprise du championnat. On démarre à Marseille avec OM-Brest. Tu viens ? La conductrice qui véhicule Baruch et le garagiste est une brune anémique. Elle écoute Ragamuffin de Célassou en hochant la tête comme une débile. Au moment de prendre son billet de train, Baru a pensé qu'il pouvait s'éviter le trajet Arles-Boulbon à l'arrivée en tablant sur le stop à l'ancienne. La fille va se présenter pour un travail à Arles. Elle se nomme Maeva et travaille dans l'informatique. Mais le journaliste ne comprend pas vraiment son job. Il essaie de ne pas engager la conversation en faisant semblant de sommeiller. Mais de fait, pose un œil critique sur la campagne surplombant Marseille. Les jardins pourris succèdent aux champs grillés. Ceux-ci sont régulièrement flanqués d'usines en friche et il faut attendre la sortie de salon pour retrouver la Provence de carte postale. Le journaliste indique à Maeva l'enseigne d'un garage situé à l'entrée d'un bourg. Elle gare sa Twingo verte, enflamme la gitane que lui tend Baru et file en direction d'Arles, tournant le dos à la montagnette. Le garage de Fabien Carmet pue l'essence, comme la plupart des garages, et affiche sur le devant une activité peinarde destinée aux foules crédules et aux inquisiteurs. Un poivreau de 50 ans, noir de poils, s'active mollement, penché sur un moteur de Peugeot. Fabien Carmet, demandez à réceptionniste. Disant cela, il indique une brune à la poitrine généreuse, penchée sur un ordinateur dans une niche en verre sécurite. Mademoiselle, j'aimerais parler à monsieur Carmet. Ah, il est dans l'autre atelier, je vais le prévenir. Attendez-le dehors. Le patron ne reçoit pas dans son atelier secret, situé au fin fond des lieux. Baru avise un tabouret à l'entrée et décide de prendre position à l'extérieur, à l'ombre. L'environnement, fait de tôles et de débris graisseux, semble comme réifié dans la torpeur. Il se décide pour une autre cigarette et pose les yeux sur les façades de la bourgade. Deux campeurs en déshydratation dépassent le bâtiment et envisagent la grimpette vers la civilisation. Ouais, pas bien carmé. Baru se lève, pivote et découvre un homme brun d'une trentaine d'années, l'œil évasif et les cheveux mi-longs. Il porte un t-shirt noir sur un short bleu. Antoine Baru, je viens vous parler de Lina. Quoi ? Encore ? Elle est morte. Égorgée. Carmet accuse le coup, ouvre la bouche et porte la main à ses lèvres comme pour contenir un cri. Puis décide de s'asseoir sur trois pneus superposés. Vous êtes un policier ? Non, journaliste. J'écris un papier sur les dernières années de Lina. Pourquoi égorger ? Je ne sais pas. Vous pourriez me parler d'elle ? Je l'ai connue à Marseille. Elle était super belle. On s'est mariés et elle a commencé à s'emmerder au bout de 15 jours à Boulbon. Je lui disais de prendre une voiture, j'en ai trois, et de partir en balade, mais non, c'était pas ça le truc. Au début, elle rangeait un peu dans la maison, derrière. Et au bout de 3 mois, on vivait dans une véritable porcherie. Elle cuisinait comme une merde. Enfin, bref. Une fille de bourgeois qui sait rien faire de ses 10 doigts, quoi. J'arrive pas à croire qu'elle soit morte. C'est pourtant vrai. Vous étiez donc amoureux ? Au début, oui. Et puis... j'ai appris qu'elle avait avorté, sans m'en parler. Mon propre gosse. Sale pute. On a commencé à se friter. Un jour, elle a essayé de me tuer avec un marteau. Là, j'ai eu peur. J'ai prévenu les flics. sont venus avec un toubib pour la tête, comme on dit. Un psychiatre? Voilà, un psychiatre. Et le gars l'a fait entrer direct à l'hosto. Ah. Vous vous battiez souvent? Eh, vous écrirez pas tout ça dans votre journal, hein? On verra. Vous devez la détester, non? Un peu. J'étais vachement accro au début. Au moment où les flics ont amené Lina, j'ai rencontré Mylène. Du coup, j'ai fini par oublier l'année de merde après le mariage. Le divorce a été prononcé rapidement? Assez. Hein? Comme elle était chez les dingues, ça a été plus vite. Tenez, j'ai une photo d'elle. Vivement, Baru jette sur les genoux du garagiste le cliché représentant Lina morte et surtout égorgée. Surpris, l'homme prend l'image, se fige et ferme rapidement les yeux, mais c'est trop tard. Vieux fumier. Barrez-vous. Ça vous fait quoi de l'avoir fait interner, Fabien? Mais le garçon ne répond pas et se jette sur Baru qui chute au sol. Les deux hommes s'empoignent et roulent l'un sur l'autre, se martelant le visage, ruisselant de sueur. Rapidement, des écrous, des vestiges de carburateurs font office d'armes de combat. Arrêtez! Vous êtes fou! Arrêtez tout de suite! Bon, Ça va! Baru, ceinturé par le mécanicien, devine que son œil gauche enfle rapidement. Quant à Fabien, il est dans les bras de la jeune femme, manifestement compagne et secrétaire. Elle caresse les cheveux de son homme en chevrotant. Oh, mon cher, il est chaud, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tu saignes! Mais tu saignes du nez! Baru finit par se relever et ramasse la photo de Lina Marchetti qui traîne dans la poussière. Puis, sans ouvrir la bouche, il tourne le dos au garage et gagne en boitillant la route nationale qui passe un peu plus loin. Le bitume caramélisé s'offre au regard fatigué du journaliste. Il opte pour la direction Avignon. La végétation craquante borde la route peu fréquentée à cette heure de la journée. Il dirige son regard vers l'horizon bleu métallique, seulement troublé par un gros nuage en forme de baleine impotente. La tête courbée sous la chaleur, Baru superpose dans son ciné personnel le visage de Lina et celui de Cécile. Et s'avoue curieusement que c'est sa fille qu'il sauve de l'oubli en chassant la présence de Lina sur la terre provençale. À 17h, un conducteur de Toyota le dépose à 100 mètres de son mât. Il ouvre toutes les fenêtres et se verse deux ballons de rosée coup sur coup. Puis scotche autour de son œil gonflé un pansement étrange, maintenant deux cubes de glace en contact avec la peau. Et décide de commencer à écrire son papier. Son ordinateur prend sa place en terrasse sur la table du déjeuner, et pour se remonter le moral, Baru introduit dans son lecteur de CD un vieux Jazz Messengers, celui avec I Remember Clifford en plage 2. Un coup de fil le surprend à 20h. Antoine, c'est Minelli. J'ai commencé à écrire la vie de Lina. C'est bien. L'empreinte partielle était en stock. C'est le doigt de Steiger qui figure sur le collier en cuir. Le flingueur de Toulon? Un ancien du sac, non? C'est ça. Toujours soupçonné, jamais condamné. La dernière fois à Aix, le témoin s'est suicidé et en 2005, les deux sœurs Alba se sont pris un mur en Mercedes. Ah. Là, on a une preuve directe, je vais me le faire. C'est un pro. Il s'agit d'un contrat. Bien sûr. Je lance le mandat demain aux aurores. Pendant que je mitonne Steiger, je t'autorise à avoir des idées sur le donneur d'ordre. J'y pense. Je vais faire un saut demain à l'hôpital Arlésien. En fait, c'est Fabien Carmet, le mari, qui a fait interner Lina avec l'appui des flics. Tu le vois payer un tueur? Non, c'est une histoire terminée pour lui. Il vit avec une fille, il a autre chose en tête. Je t'appelle si je découvre un truc à l'hôpital. Ouais, et regarde du côté de la famille, on sait jamais. Tiens, il passe 1000 ans Juventus sur Canal. Bon, allez, à demain au téléphone. À 20h45, Baru gagne le salon et règle sa télé sur la chaîne diffusant le match. Avachi sur le canapé, il ne pense plus à rien et se laisse porter par le jeu défensif du Calcio. Négligemment, il picore du speck de la main gauche et de la droite fait couler dans son verre un rosé dense mais voluptueux de la maison Milan. À 10h le lendemain, il emballe son scooter en direction d'Arles. La route à trois voies limite les dépassements et il met 45 minutes pour parcourir les 25 km séparant les deux villes. L'hôpital Mangin-Vélère est situé dans une rue bordant les anciens entrepôts SNCF. Ceux-ci abritent en juillet-août les rencontres photographiques. Au centre des lieux, un bâtiment refait à neuf indique une volonté de modernisation. L'HP, Mangin-Vélère voisin, est recouvert de crépi blanc, comme la plupart des hôpitaux. Deux jeunes femmes pianotent sur des ordinateurs à la réception. Bonjour, j'ai téléphoné à 8h au sujet de Lina Marchetti. Oui, j'appelle le docteur Matteo. Asseyez-vous. Docteur, une visite pour vous. Dix minutes plus tard, un homme en civil d'une quarantaine d'années, bronzé et cheveux en bataille, se porte vers Baru. Il indique son bureau au journaliste. Suivez-moi. Une infirmière black, 35 ans et portant de fines lunettes, se rapproche des deux hommes. Je vous ai sorti le dossier de Lina, docteur. Merci Nadia, mais je n'en ai pas besoin. Puis, tournant le dos à la jeune femme, il pousse légèrement Baru dans son espace personnel. Asseyez-vous, monsieur. Je ne sais pas qui vous a répondu ce matin, mais j'aurais pu vous épargner le déplacement, car il est hors de question que je trahisse le secret professionnel concernant une patiente. Elle vient d'être assassinée. Certes, mais ça ne change pas le problème. Je pourrais éventuellement répondre aux questions d'un policier porteur d'une commission rogatoire, mais certainement pas un journaliste. J'ai peur cependant que les policiers soient occupés ailleurs pour avoir le temps de s'intéresser à elle. Je ne peux rien faire pour vous, monsieur. Vous vous souvenez des circonstances de son départ? Ça, je peux en parler. Elle a été internée à la demande de la gendarmerie et de son époux dont elle a divorcé. Au fil du temps, son état s'est amélioré et nous lui avons proposé un internement libre. C'est-à-dire qu'elle pouvait bouger à sa guise. Mais Lina ne sortait pas souvent. Elle avait trouvé comme une seconde famille à l'hôpital. Sur une courte période, ça peut se concevoir, mais le but, c'est de replonger les malades dans le monde réel. Quand votre journal et les autres ont dit qu'elle s'était enfuie, c'était faux, car dans l'esprit du public, on pense à quelqu'un d'emprisonné. Ça n'était pas le cas, évidemment. Disons qu'avec une autre malade, elles ont décidé un soir de ne pas rentrer et n'ont plus donné de nouvelles. Du coup, j'ai dû prévenir la police. Pour l'instant, j'ai pensé au pire. Un enlèvement? Oui, il s'en produit tous les jours. Une semaine plus tard, l'une de nos infirmières l'a aperçue avenue de la République, à Avignon. Elle paraissait en bonne santé. Partant de là, nous sommes passés à autre chose. Je ne connaissais pas ces derniers détails. Je vais rentrer. Il quitte le médecin, vaguement déçu, et gagne la réception. Nadia, l'infirmière, l'attendait, car elle le rejoint vivement. Elle lui tend un morceau de papier et souffle à voix basse. Monsieur, j'étais proche de Lina, mais je ne veux pas parler ici. Je peux vous voir à 18h au Méjean. Voici l'adresse. J'y serai. Le café indiqué par Nadia fait partie d'un ensemble culturel comportant librairie, salle d'exposition et cinéma. L'ensemble est situé face au Rhône, large à cet endroit et toujours bordé par des pêcheurs de 12 ans en mal de poisson égaré. Baru s'installe et se colle un casque sur les oreilles. Il en pince depuis 2 mois pour un hommage à Thelonious Monk signé par le saxophoniste Pierrick Pedron. Alentour, les touristes rédigent leurs cartes postales en buvant leur bière à petite lampée. À 18h05, Nadia passe le coin du bâtiment en jean et t-shirt mauve. Elle ne porte plus ses lunettes. Vous n'êtes pas resté à m'attendre ici toute la journée, j'espère? Non, je suis rentré chez moi. J'ai du boulot. Parfait. J'ai vu l'info dans le journal concernant Lina. Ça m'a fait beaucoup de peine. Vous étiez proche à l'HP? Oui, assez. Pendant 6 mois, je m'occupais du cours de peinture et elle aimait ça. En fait, on se voyait tous les jours et, contrairement à certains malades, Lina parlait facilement. Je ne l'ai pas dit au médecin, mais j'essaie de reconstituer ses dernières années pour comprendre comment elle a pu être tuée dans un théâtre d'Avignon. Pourquoi faites-vous ça? Elle ressemble beaucoup à ma fille. Mais Cécile habite loin et je la vois rarement. Les docteurs appellent ça un transfert. D'accord. Racontez-moi. Cela prit 20 minutes à Nadia pour narrer le quotidien de Lina Marchetti à l'hôpital. Perdue dans ses réflexions, Baru revient enfin sur Terre. Vous auriez des photos d'elle prises pendant l'internement? J'ai mieux. Je l'ai filmée un matin pendant qu'elle déblatérait sur sa vie. Et sur son père également. Attendez, c'est sur mon portable. Baru est maintenant penché sur le portable de l'infirmière. Dans une pièce décorée de dessins relevant du tachisme, se tient Lina Marchetti, passablement échevelée, le regard noir. Elle parle à la petite caméra numérique tenue par l'infirmière. À qui se fier, Nadia? C'est pas encore une crise, crois-moi, c'est pas la folie, mais un cauchemar que je fais chaque soir. Je suis dans une grotte près de la mer et je n'arrive pas à en sortir. Noyée dans le placenta, j'ai peur, je vais mourir. Des organismes puissants cernent ma grotte. Je suis enduite d'une saleté de liquide amniotique et derrière la grotte, je sais que la renaissance est tapie, mais il y a cet homme. C'est ton père, Lina? C'est lui qui te retient dans la grotte? Je ne sais pas. C'est l'ennemi. Et si ça n'est pas lui, l'ennemi, qui est-il? Je suis fatiguée. Je veux sortir de la grotte. Je ne suis pas folle. Je suis ton amie. Non. Tu es mon infirmière, Nadia. Je n'ai plus d'amis. Et contre qui me battre maintenant? Le film stoppe brutalement sous le regard incrédule de Baru. Mais dites donc, il n'avait pas l'air au mieux. Je l'ai filmé ce jour-là sans savoir que le lendemain, elle partirait avec une autre malade. Et puis en cherchant dans ses affaires à l'hôpital, j'ai mis la main sur ce qui l'a désarçonné à mon avis. Et ce serait quoi? Une lettre de faire-part expédiée par le notaire de famille. Son père est mort. L'imprimeur? Oui, elle n'a qu'un père, comme tout le monde. Une attaque cardiaque. En fait, pendant sa thérapie, l'image du père dominateur revenait sans cesse. Elle a dû vouloir sa mort 50 fois, et là on lui apprend qu'il est décédé. Je vous laisse imaginer la confusion dans la tête de Lina. Baru plonge dans ses pensées, allume machinalement une cigarette fripée. Le père est mort. Lina se sauve de l'HP. 3 semaines plus tard, elle est assassinée. Elle est la dernière de la famille, non? Je ne crois pas. Il me semble qu'il y a un frère. Baru est installé dans son jardin au milieu de ses oliviers. L'ombre dispensée par les arbustes n'est pas forte, mais le journaliste aime cuire au soleil, sentir la sueur se faufiler dans ses rigoles dorsales. Il est né à Dunkerque, et des années de pluie et de brouillard l'ont convaincu que son destin se situait au sud. Il relit son texte, qui avance à grands pas, et surveille l'entrée du jardin du coin de l'œil. 10 minutes plus tard, la 205 de Fiona broute sur le chemin de terre. Il est 18h30. L'assistante gare sa voiture loin des flaques de lumière et rejoint Baru qui parade en t-shirt de l'OM. Les deux amants s'embrassent et elle décrète qu'elle va se changer car elle est bonne à éponger. Plus tard, Baru mitonne des rougets à la tapenade dans la cuisine d'été. Le ton badin, il fait part à Fiona du besoin qu'il aurait de consulter les archives du journal. Tu peux. Ton problème, c'est Lorca. Tu lui fais un enfant dans le dos et tu te pointes ensuite pour musarder dans les bureaux. Je le sens pas bien, Antoine. D'accord, d'accord, mais si je débarque de nuit, il n'en saura rien. Et je fais partie des trois personnes détenant le passe de nuit. Je commence à comprendre pourquoi j'ai droit au rouget. Mais non. Mais non. J'aime cuisiner. Je ne vais pas me contenter des rougets. Tu peux préparer ton Viagra, mon vieux. Le lendemain est un samedi. Sur le coup de 23 heures, Baru se fait ouvrir la porte du personnel par Fiona qui, en bâillant, décrète qu'elle va retrouver son lit. N'oublie pas de fermer en partant. Je dois refaire un code ? Non, c'est le même qui se remet en place. T'es pas au Pentagone. Mmh. Reste calme, Antoine. Mmh. Oh. Baru est installé devant l'un des ordinateurs de Popeye. Il entend les secrétaires de rédaction piétiner au-dessus de sa tête, car Paca News part en impression dans 30 minutes. Ce que propose l'écran face à lui donne soif. Il a d'ailleurs déjà bu deux bières. On apprend que Tony Marchetti, frère aîné de Lina, est diplômé de l'École supérieure de commerce de Marseille, célibataire et âgé de 34 ans. Une photo accompagne la notice biographique de Tony. Elle révèle un viveur, écharpe blanche en bandoulière, le cheveu filasse. Les yeux, contrairement à la lippe boudeuse, sont durs et contredisent l'attitude générale du jeune homme. Mais la bombe est contenue dans la dernière ligne de la notice. Membre du conseil d'administration de Paca News. Autrement dit, aucune expérience professionnelle, mais une planque ne nécessitant pas de connaissances précises. Baru continue d'avancer dans sa recherche et clique le nom du père chez les imprimeurs régionaux. Aucune surprise majeure ne l'attend, si ce n'est celle de trouver parmi les clients de Marchetti Rotopress son propre journal, Paca News. 15 minutes plus tard, Baru ferme l'ordinateur, glisse ses bouteilles de bière vides dans ses poches et gagne la sortie dont il referme la porte avec précaution. Puis récupère son scooter sur le parking de la vieille gare. À 11h, le dimanche matin, il émerge d'un sommeil compliqué. La cuisine vibre déjà sous le soleil et les cigales s'en donnent à cœur joie. Le platane étire une ombre bienvenue sur la terrasse. Baru se verse un café et allume la radio. Qui appeler un dimanche ? Il consulte l'écran de son portable et s'aperçoit que Minelli a téléphoné la veille au soir, mais il avait coupé le téléphone durant son passage au journal. Allô? Allô, Daniel? C'est Baru. J'ai appelé hier soir. Je sais, mais j'avais éteint. Quoi de neuf? Non, rien, en fait. Mmh. Toujours sur la piste de Steiger qui doit se planquer dans l'arrière-pays toulonnais. Et toi? Je fricote autour de la famille. Tu savais que le père était mort? Oui, je l'ai appris hier, car le notaire d'Aix, Capello, m'a demandé un certificat de décès concernant Lina. Ah. Il est en plein boom, le gars. C'est un gros héritage. Qui hérite? Le fils, Tony. Je pense que... J'ai fait le tour des autres possibilités. De toute façon, c'est ton boulot. Moi, je termine mon papier, mais j'irai le porter ailleurs qu'à Paca. J'ai joué gagnant hier. T'as le résultat ? 2-0 pour l'OM. Oui, mais ça rapporte pas grand-chose. Parce qu'il y a Evian Ram en ce moment. Alors. Ok, ok. Tiens-moi au parfum pour ces guerres. D'accord. Baru raccroche. Il ferme les yeux bercés par l'orgue d'Eddie Louis. Comme il va pour se rendormir, son portable bourdonne. Oui ? Papa, c'est Cécile. C'est la nuit chez vous, non? Pas encore. Et je voulais que tu connaisses la nouvelle rapidement. Tu vas être grand-père. Un peu estomaqué, il ne répond rien sur le coup. Il fallait que ça arrive un jour. Brusquement, il passe dans le camp des vieillards, ceux qu'on laisse avec les enfants pendant que les vrais adultes discutent entre eux. Puis il reprend ses esprits. Formidable. Garçon ou fille? Baru se faufile à sa place ce lundi matin sans la ramener. Puis, à quatre pattes, il essaie de faire démarrer le ventilateur qui lui fournit habituellement de la fraîcheur sur le bas du corps. Sur son bureau, une douzaine de notes de service sont déposées en vrac. Il en connaît la teneur. La machine à café a augmenté de 2 €. Il faut éviter les sorties papier car ça coûte de l'argent. La semaine de Noël jour de l'an sera obligatoirement chômée cette année. Aurélien Ledray, du contrôle de gestion, est passé cadre et la prochaine réunion du CE est fixée au 2 septembre. Une bonne journée commence. C'est à ce moment précis que le rédacteur en chef, Lorca, passe la tête dans le bureau de Baru. Je peux te voir un moment? Oui. Baru suit son supérieur et prend place dans un petit fauteuil en osier face au bureau en tech. Tu m'as bien niqué avec tes vacances. Écoute, j'avais envie d'enquêter sur cette fille assassinée. J'ai trouvé plus correct de prendre des vacances que d'empiéter sur mes journées pour PACA. C'est une façon de voir. Il va falloir te remettre sur le budget municipal. Je m'y colle. Tu en fais quoi de ce reportage? J'hésite, mais ça n'est pas pour PACA News. En fait, le seul type qui trouve son compte à la mort de Lina, c'est Tony Marchetti. C'est un membre du conseil. De plus, les flics parlent d'un tueur toulonnais. Je sais, mais il travaille sur contrat. J'irais plutôt proposer le texte à la Provence. Sous pseudo, évidemment. Dans tous les cas, soupèse tes mots. Marchetti, c'est du lourd. Je ferai attention. Pendant que Baru regagne son bureau au fond de la rédaction, Lorca reste songeur, puis se décide et saisit son téléphone. À la troisième sonnerie, son correspondant décroche. Allô, Tony? Aujourd'hui, mercredi, Baru a décidé d'arroser l'existence de son petit-fils, fœtus en bonne forme, qu'il nomme Oscar pour s'amuser. Il entraîne Fiona et Minelli dans une vadrouille de bar en bar, place de l'horloge. Fiona le traite de Pépé et Minelli le présente dans chaque établissement comme le plus grand journaliste du monde occidental. Il aime beaucoup l'Occident, Minelli. La fête du théâtre est terminée. Les services de la voirie ont arraché les nombreuses affiches suspendues aux grilles, au commerce. Des touristes se lancent à la tête des glaces à la vanille. Un combo de mariachi banlieusard massacre Guantanamera. Des jeunes filles en mini-jupe sont draguées par une Porsche Carrera. La bière coule dans les rues. Des gitans aux yeux noirs avalent des merguez. Fiona dit qu'elle a sommeil. Minelli s'assoit sur une borne en plomb et vomit sur son costard. La rue des Teinturiers s'offre aux regards vitreux de Baru, mais elle est déserte ce soir. Il longe les roues à eau qui tournent en silence. Sa tête s'envole vers Brisbane. Un enfant aux boucles blondes court vers lui, criant « Papy, à tue-tête ». Il freine, stoppé par des conteneurs à bouteilles. Il n'entend pas le feulement d'une étoffe dans son dos. Et encore moins, les deux balles du Glock percutant l'arrière de son crâne. Il s'écroule dans des poubelles renversées. La prégnance de coquilles d'huîtres et celle d'olives pourries monte à ses narines une dernière fois. Son corps semble comme aspiré par une force lointaine et irrésistible. Il ne sait même plus pourquoi. C'était « La cavale de Lina » de Marc Villard, avec Hélène Losseur, la narratrice, François Sienner, Baru, Jean-Claude Durand, Lorca, Ronan Timsit, Minelli, Charlie Nelson, Popeye, Evelyne Guimara, Fiona, Marina Moncade, Marie-Ange Beltrami, Yves Collignon, Mistral, Marie Degrange, l'employé du garage, Martin Amic, Fabien Carmet, Aurore Soudieu, Nadia, Lisa Yeblo, la réceptionniste, Bernard Gabet, le docteur Matteo, Louise Pasto, Lina, Grégory Kidel, le jeune homme, Clara Noël, Cécile. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Myriam Guillot. Assistant, Guy Péramore. Réalisation, Michel Sidorov. Retrouvez en kiosque la collection des petits polars du monde avec SNCF. «